بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc bienvenue aux chers frères dans cette deuxième édition du séminaire de la Yole du Savoir. On va donc profiter de ces dernières nuits du mois de Ramadan pour ensemble nous entraider, chercher à nous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. On va donc profiter de cet écrit du très savant, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, un de ses écrits, Fada'il al-Qur'an, les mérites du Qur'an. Et donc il commence son livre, après la basmala, il commence son livre en disant chapitre des mérites liés à la récitation du Coran, à son apprentissage et à son enseignement. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre Sourate Al-Anbiya, la sourate numéro 21, le verset 10, il dit tabaraka wa ta'ala, وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. Et donc sourate 21, verset 10, certes, nous avons fait descendre sur vous un livre qui contient votre citation, fihi zikrukum. Il a été rapporté d'Ibn Abbas, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté d'Ibn Abbas radiallahu anhuma, qui dit ici fihi sharafukum. C'est-à-dire ce livre qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre, il contient votre noblesse. Il contient la cause, votre cause de noblesse. Ce qui vous fait monter en degré. Et donc ce livre contient de grands bienfaits pour nous. Voilà pourquoi il est important qu'on lise ce livre et qu'on profite pleinement. Et aussi, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit comme dans Sourate Fatir, donc la sourate numéro 35, le verset 29. Donc là, on est à la page 2. Il nous dit tabaraka wa ta'ala, Inna alladhina yatluna kitab Allah, wa aqamu salata wa anfaku mimma razaqnahum sirran wa alaniya, yarjuna tijaratan lan tabur. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit donc dans la sourate 35, verset 29, certes, ceux qui récitent le livre d'Allah, qui accomplissent la prière et qui dépensent de ce que nous leur avons accordé, publiquement ou donc de manière isolée ou en cachette, alors ces personnes-là espèrent un commerce qui ne va pas s'interrompre. Ici, il a été rapporté de certains pieux prédécesseurs qu'ils disaient « Ayatul Qurra », le verset des récitateurs, de ceux qui récitent le Coran. Le verset de ceux qui récitent le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala, ici, il met en évidence, il fait l'éloge de certaines personnes qui ont ces caractéristiques. Le fait d'accomplir la prière, on accomplit la prière ici. S'acquitter de la zakat, on va s'acquitter de la zakat, on va dépenser. Mais est-ce que c'est tout le monde qui va lire le livre d'Allah? Beaucoup. Il peut y avoir beaucoup de personnes qui prient dans une mosquée. Mais combien sont ceux qui vont finir le Coran tous les mois? Combien sont ceux qui vont finir le Coran toutes les deux semaines, toutes les semaines? Combien sont ceux qui vont beaucoup lire le Coran? Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, ici fait l'éloge de ceux qui récitent le livre d'Allah. Et donc il est important, chers frères, barakallahu fikoum, de lire ce livre qu'Allah azza wa jalla a fait descendre. Et on verra, inshallah, il y a un autre sujet que je voulais aborder avec vous, mais on le verra tout au long du séminaire, bi'idnillah, il y a le temps. Et il est important d'apprendre ce livre. C'est verset 39 ou 29? 29. Sourate 35, verset 29. Sourate 35, verset 29. Et donc, on sait tous, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la science nous suit après notre mort. L'argent que tu possèdes, tout ce que tu possèdes ne va pas te suivre. La science te suit après ta mort. Et le Coran est la meilleure des sciences. Le Coran est la meilleure des sciences. Et c'est pour cela que Jibril alayhi salam est le meilleur des anges. Parce que Jibril est celui qui avait la responsabilité de transmettre la révélation au prophète. C'est le meilleur des anges. Et donc celui qui s'adonne à cette science, cherche à étudier le Coran, à comprendre le Coran, cette personne étudie la meilleure des sciences. Et ça, c'est très important, barakallahu fikoum. Allah Azza wa Jal qui nous dit donc dans Sourate Yunus, la Sourate numéro 10, le verset 51. يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Ô gens, certes, vous est venue une exhortation venant de votre Seigneur. Une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Tout mal, tout ce que tu peux trouver qui te dérange, toute maladie qu'il y a dans les poitrines, la guérison, tu la trouves dans le Coran. Et donc, il vous est venu, venant de votre Seigneur, une exhortation et une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Une guidée, une miséricorde pour les croyants. Dis, c'est pas la grâce d'Allah, par sa miséricorde, c'est par cela qu'ils doivent être heureux. Ceci est bien meilleur que ce qu'ils amassent. On a déjà vu ce verset plusieurs fois. Ceci est bien meilleur que ce qu'ils amassent. Le fait que l'islam se propage, le fait que on a la possibilité ici, en Martinique, d'étudier le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que les gens devraient être heureux. C'est pour cela qu'ils devraient être heureux. Ce n'est pas pour des tel club de foot à gagner ou tel club de basket ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on ait la capacité de nous rapprocher de notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça qu'ils doivent être heureux. C'est meilleur que tout ce qu'ils amassent. Les dollars, les euros, tout. C'est meilleur que tout ce qu'ils amassent. Et donc ici, on verra, barakallahu fikoum, mon cher frère, l'importance qu'il y a dans le fait d'étudier le Coran, de lire le Coran, d'œuvrer avec le Coran, inshallah ta'ala. Et donc l'auteur, il nous dit, rahimahullah. Donc là, c'est cité la parole d'Allah. Et donc ici, c'est-à-dire la traduction des sens, parce que je n'ai pas cité le verset en arabe, j'ai directement cité la traduction des sens pour éviter que ça fasse trop long. Mais ça, c'est un point important, barakallahu fikoum, les frères, que d'ailleurs on m'a posé cette question plusieurs fois cette année, c'est que lorsque tu lis la traduction, ce n'est pas le Coran que tu lis. Lorsque tu lis la traduction, ce n'est pas la parole d'Allah que tu lis. Parce que la traduction dépend de la compréhension du traducteur. Et donc tu lis les propos du traducteur. Ça, c'est important de savoir ça. Est-ce que tu es récompensé quand tu lis le Coran, quand tu lis la traduction ? Alors oui, tu es récompensé, parce que à partir du moment où tu étudies la science, où tu apprends ta religion, tu es récompensé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte une voie menant, cherchant à apprendre une science, Allah tabaraka wa ta'ala, par celle-ci, et donc il lui accorde une voie menant au paradis. Et donc là, tu lis le Coran en France, tu lis la traduction. Tu es récompensé, Inch'Allah, parce que tu cherches à te rapprocher de ton Seigneur, à apprendre, apprendre ta religion, à apprendre ce que contient son livre, etc. Mais maintenant, tu n'as pas la même récompense que celui qui va lire le Coran en arabe. Parce que lorsque tu lis le Coran en arabe, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu es récompensé pour chaque lettre que tu vas prononcer. Chaque lettre. Et donc là, c'est pas pareil. D'accord ? Donc ça encore, ça nous pousse, barakallahu fikoum, à apprendre, à faire des efforts, à apprendre l'arabe, pouvoir lire le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ne pas rester dans cette ignorance et dépendre du traducteur. Nous devons faire des efforts, tout un chacun, afin de comprendre le livre de notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et donc il nous dit l'auteur, rahimahullah, donc la parole d'Allah, donc ici la traduction des sens, Allah élève en degré ceux d'entre vous qui ont eu la foi, ainsi que ceux à qui la science a été accordée. Donc sourate 58, verset 11. Ainsi que la parole d'Allah le Très-Haut, il n'appartient pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, le jugement et la prophétie de dire ensuite aux gens: soyez mes adorateurs en dehors d'Allah. Mais au contraire, il devra dire: soyez des savants puisque vous enseignez le livre et que vous l'étudiez. Subhanallah. Il y a dans ces deux versets l'importance de la science. Allah élève en degré ceux qui ont eu la science. D'accord ? Et ici, dans le deuxième verset, Allah tabaraka wa ta'ala montre aussi l'importance de la science. Donc ça, c'est le premier point qu'on voit dans ces deux versets. Deuxième point, et ça c'est un point très important, c'est que le savant, celui qui connaît le Coran, il n'appelle pas les gens à l'adorer lui. Et il n'appelle pas les gens à désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala en le suivant lui. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il le dit clairement. Comme ici on le voit en français, il n'appartient pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, donc la science, le jugement et la prophétie, de dire ensuite aux gens: soyez mes adorateurs en dehors d'Allah. Et donc celui qui comprend vraiment le livre, il ne peut pas demander aux gens de l'adorer lui. Et il ne peut pas non plus demander aux gens d'adorer autre que Allah. Ou de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais au contraire, il devra dire aux gens: soyez des savants, enseignez le livre, œuvrez avec le livre, adorez Allah tabaraka wa ta'ala seul. Et on comprend de ce verset le troisième point, que celui qui n'appelle pas les gens à adorer Allah seul n'est pas un savant. Même s'il mémorise le Coran de A à Z. Il mémorise le Coran du début à la fin. Mais il appelle les gens à adorer autre que Allah. Celui-ci n'est pas un savant. Voilà pourquoi lorsque, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a certaines personnes dans un pays musulman qui sont affiliés à une grande université reconnue, renommée. Ils ont émis une fatwa qui montre qu'il est permis d'invoquer les saints, les morts. Alors, un de mes enseignants, le Cheikh Abdullah Dafir, rahimahullah, il a répondu à cela en disant: mais elle est où la science que vous avez étudiée? Parce que lorsque Allah tabaraka wa ta'ala te donne la science, tu ne peux pas appeler les gens à adorer autre que Allah. Et donc si Allah tabaraka wa ta'ala te permet de comprendre son livre, le Coran, tu dois appeler les gens au monothéisme pur. Il continue l'auteur rahimahullah, et selon Aisha radiallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui excelle dans le Coran sera avec les émissaires nobles et pieux, et celui qui récite avec hésitation et difficulté aura deux récompenses, rapportées par Al-Bukhari et Muslim. Al-Mahiru bil Qur'an, celui qui excelle dans le Coran, il sera avec les anges. Celui qui excelle dans le Coran, il sera avec les anges. Mais celui qui a du mal, celui qui récite avec hésitation, alors il aura deux récompenses. Ça veut dire quoi, il aura deux récompenses? Les savants, ils nous disent, ce qui évolue ici, il aura deux récompenses. La récompense de la récitation et la récompense de l'effort. Parce que c'est pas facile. Tu es là, tu récites, on te corrige, tu reviens. Hein? Quand on a commencé au début, la Fatiha, le prof il nous a fait répéter la Fatiha je ne sais pas combien de fois. C'est des efforts. Et donc cette personne, elle est récompensée. Elle a la première récompense pour la récitation, et la deuxième récompense pour les efforts qu'elle fait. Et voilà pourquoi ceux qui ont du mal à réciter le Coran, mes frères, ne soyez pas gênés. Normalement, parfois les frères, ils sont gênés. Ah non, je ne veux pas. Mais non, justement, profite, t'as deux récompenses. Lis à fond, prends toutes les récompenses que tu peux. On comprend aussi dans ce hadith, barakallahu fikoum, que celui qui maîtrise le Coran, il est meilleur que celui qui hésite dans sa récitation. Mais qu'est-ce qui est voulu par le fait de maîtriser le Coran? Est-ce que c'est juste le fait de, mashallah, le lire avec les règles de tajwid, etc.? C'est pas ça qui est voulu par maîtriser le Coran. Ce qui est voulu par maîtriser le Coran, c'est le fait de savoir le lire correctement, d'œuvrer avec correctement, de le comprendre. Voilà ce qui est voulu. Aujourd'hui, tu demandes à un non-musulman, qui a une belle voix, tu lui apprends l'arabe. Ensuite, tu lui apprends les règles de tajwid. Et tu lui demandes de réciter le Coran. Il récite le Coran sans hésitation. Est-ce qu'il est avec les anges? Est-ce que tu vas dire qu'il est avec les anges? Il adore Jésus et tout, etc. Et donc, ce n'est pas la lecture qui est voulue ici. Ce n'est pas que la lecture. C'est aussi et surtout le fait d'œuvrer avec ce que tu lis. Et ça, c'est très important. Al-mahiru bil Qur'an, celui qui maîtrise le Coran, c'est celui qui œuvre avec le Coran. Naam. Wa alaykoum salam, en tout cas. Et il y a aussi dans ce hadith de Aisha radhiyallahu anha, donc le hadith qui concerne celui qui maîtrise le Coran et celui qui lit avec hésitation, il y a dans ce hadith aussi un point important, le fait de faire attention à notre temps. On doit faire attention à notre temps, les frères. Parce que lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de celui qui maîtrise le Coran, la maîtrise du Coran, elle n'arrive pas comme ça en claquant des doigts. La maîtrise du Coran, ça arrive avec le temps, en donnant du temps. Et donc nous devons faire l'effort, barakallahu fikoum, de donner du temps au livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il y a le temps d'apprendre la mémorisation, les nouveaux versets. Le temps de réviser les versets que tu connais déjà. Le temps de lire et de chercher à comprendre. Et donc, il faut que tu arrives à garder du temps dans ta journée pour le livre d'Allah. Tu ne peux pas rester comme ça et on ne lit pas le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et je vous le dis sincèrement, si on donne 3 heures pour faire cela, c'est-à-dire 1 heure pour mémoriser des nouveaux versets, 1 heure pour la révision, 1 heure pour la lecture et la compréhension, on n'aura pas fait assez. Je vous dis sincèrement. Mais je sais qu'au début, tu ne vas pas commencer comme ça. Et donc, essaie déjà de voir si tu peux accorder une heure. Une heure. Tu commences avec une heure. Par jour. Où tu essaies de lire un petit peu. Apprendre un petit peu. Réviser. Et tu augmentes. Et tu augmentes. Et tu augmentes le temps. Mais les frères, est-ce que vous imaginez qu'on reste comme ça une année, deux années, trois années, cinq ans, dix années? Et notre lecture du Coran, elle n'a pas évolué. Notre mémorisation du Coran n'a pas évolué. Notre compréhension du Coran n'a pas évolué. Dégradé. Ouais, dégradé même. Comme on dit, ça c'est pas marcoul, c'est pas compréhensible. Et donc ça montre qu'il y a de la paresse. De la paresse. On va dire, ah non, mais je trouve pas le temps. Si tu veux trouver le temps, tu vas le trouver. Tu vas le trouver. Parce que parfois, certaines personnes qui sont là, pris par le travail, si on lui parle de mariage, il doit aller faire une moukabala, je ne sais pas où, il va trouver le temps. Il va le trouver. Parce que là, c'est mariage, là, ça ne rigole plus. On m'a juste avant, on m'a dit, les sœurs en bas, elles n'entendent pas les questions qui sont posées par les frères. Alhamdoulilah. Sinon, je ne peux pas rentrer chez moi. Ouais, c'est ça. Si tu veux, je répète la question en citant ton nom. Comme ça, tu ne rentres pas chez toi. Je fais la piqueur pendant 2 mois. Voilà. Tayyib. Donc, il faut qu'on donne du temps pour le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah, et dans le recueil d'Al-Bukhari, d'après Othman, qu'Allah l'a gré, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre Sourate Fussilat, donc c'est la sourate numéro 41, le verset 33. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Qui a une meilleure parole que celui qui appelle à Allah, qui accomplit de bonnes œuvres et qui dit certes je fais partie des soumis. Il faut savoir, barakallahu fikoum, mon cher frère, que celui qui fait cela, celui qui appelle les gens à Allah, il appelle les gens à la parole d'Allah, à comprendre la parole d'Allah et appliquer la parole d'Allah. S'il fait cela, alors il suit le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est ce qu'il faisait le prophète. Et donc forcément, si tu suis le prophète, tu es parmi les meilleurs des gens. Et donc on comprend ce hadith lorsqu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Parce qu'il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux faire partie des meilleurs de la communauté, suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il y a une mauvaise compréhension parfois, les gens vont te dire le fait d'apprendre le Coran et de l'enseigner, d'enseigner la récitation seulement. Non, il faut enseigner la récitation, la lecture du Coran, oui, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi et surtout la compréhension et l'application du Coran. Et ça, c'est très important. Il y a aussi dans ce hadith un rappel concernant le fait, l'importance d'enseigner le Coran aux enfants. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Ibn Abbas, sallallahu alayhi wa sallam, il avait 10 ans. Il avait 10 ans à peu près. Regardez comment elle a été la cause de la propagation de la science. C'est important que les enfants, on leur donne des cours pour qu'ils apprennent leur religion, ils apprennent l'arabe, ils apprennent le Coran, ils apprennent la sunna, ils apprennent les hadiths. Ils sont à un âge où ils peuvent beaucoup mémoriser. C'est pas comme nous, on est fatigués un petit peu. Et donc il faut profiter de ça pour que les enfants, on les inscrive les après-midi ou quand il y a du temps pour qu'ils apprennent. Pour qu'ils apprennent, il faut arrêter de laisser les enfants jouer avec des téléphones, PlayStation et tout. Ils vont passer du temps qui ne leur sera pas profitable. Laissez-les apprendre. Voilà ce qui leur est profitable. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah, et dans le recueil d'un muslim, selon Abi Umama, Kalalagri, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lisez le Coran. Car il viendra au jour de la résurrection en intercesseur pour les siens. Lisez les deux sourates lumineuses, la vache et la sourate de la famille d'Imran. Car elles viendront toutes les deux au jour de la résurrection comme deux nuages enveloppants ou comme deux nuées d'oiseaux en rang qui défendront les leurs. Récitez la vache, car le fait de s'y cramponner est une bénédiction et la délaisser est une perte. Les paresseux et les sorciers ne la supportent pas. Allahu Akbar. Et donc dans ce hadith, premièrement, le fait que le Coran, il va intercéder en faveur des siens, les personnes qui le lisent et qui œuvrent avec. Le Coran va intercéder en faveur de ces gens-là au jour de la résurrection. Qui ne veut pas bénéficier de l'intercession du Coran? On fait tous des péchés. On fait tous des péchés. On a besoin d'intercession. Dans ce hadith, l'importance de l'Baqara, surat al-Baqara, et la surat al-Imran. Elles sont longues et elles contiennent beaucoup de jugements, beaucoup de règles importantes dans notre religion. Et il y a le fait que les paresseux ne peuvent pas supporter la Baqara, la surat al-Baqara. Elle est longue. Elle est longue, surat al-Baqara. Parfois, on demande à certains frères qui sont malades de réciter surat al-Baqara. Récite surat al-Baqara. Récite beaucoup, ça va te faire du bien. Et aussi, dans ce hadith, on voit clairement que les sorciers non plus, c'est-à-dire donc la sorcellerie. C'est pour ça que les savants disent c'est important de réciter surat al-Baqara. Mais, subhanallah, on va toujours trouver des excuses. C'est long, elle est longue, j'arrive pas, etc., etc. C'est de la paresse. C'est de la paresse. Notre religion nous appelle à être actifs, à ne pas être paresseux. On est là et on attend que les gens fassent à notre place. On attend toujours que les gens fassent à notre place. Non, au jour de la résurrection, tu seras rétribué en fonction de ce que toi, tu as fait. Et donc, fais. Fais toi-même. Il faut arrêter d'attendre que les gens fassent à notre place. On attend que le Raqi fasse à notre place. Ah oui, un tel a du siècle, etc. Il faut que Raqi, on a... Tu ne peux pas lire toi-même. Fatiha, etc., etc., etc. Et donc c'est important, barakallahu fikoum. Maintenant, il y a un sujet, jazakumullahu khairan, qu'est-ce qui est le mieux dans la récitation du Coran? Est-ce que c'est le fait de réciter le Coran à voix haute ou pas? On est tous dans la mosquée. Certains vont réciter le Coran, d'autres aussi. Et donc, est-ce que le mieux, c'est de réciter le Coran à voix haute ou à voix basse? Tu te rappelles? Oui, toi. À voix basse, juste milieu, pas trop. Pas trop, pas trop bas. Alors, il a été cité dans Sunan Abi Daoud, d'après Abu Saïd, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une retraite spirituelle dans la mosquée et qu'il les a entendus réciter le Coran à voix haute. Il a donc levé le voile, donc qui les séparait de lui. Et il a dit, Ela inna kullakum munajin rabbahu, fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da. Certes, vous cherchez tous, ici, il leur montre qu'ils cherchent tous à se rapprocher de leur Seigneur. Alors qu'aucun d'entre vous ne gêne l'autre. Aucun d'entre vous ne gêne l'autre. Donc la base dans la récitation du Coran, c'est que tu récites à voix haute. Mais il faut faire attention à ne pas déranger les autres personnes qui récitent. Parfois les frères, ils vont être là, ici dans cet espace, ils ne sont que deux. Subhanallah, ils récitent. Ils vont se déranger mutuellement. Doucement. Il ne faut pas que par ta récitation, tu déranges l'autre, que lui aussi le récite. Toi, tu récites la parole d'Allah. Masha'Allah. Mais lui aussi, il récite la parole d'Allah. Et donc, il y a un edeb. Il y a des mœurs à adopter lorsque on récite la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et dans le même recueil, Al-Nawas ibn Sam'an, radiallahu anhu, qu'Allah l'agré, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, on viendra au jour de la résurrection avec le Coran et les siens. Le Coran et les siens, ses adeptes. Ceux qui le mettaient en pratique, Allahu Akbar. Et donc, qui sont les adeptes du Coran? Qui sont les gens du Coran? Ce sont ceux qui le mettent en pratique. Il sera devancé par la sourate la vache et la famille d'Imran. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a cité trois paraboles à leur sujet, je ne les ai jamais oubliées. Il a dit, elles sont comme deux nuages enveloppants, ou deux nuées sombres séparées par une lumière, ou comme deux nuées d'oiseaux en rang qui défendront les leurs. Et donc, on comprend clairement, barakallahu fikoum, dans ce hadith, que ce qui est voulu par la récitation du Coran, c'est la compréhension. C'est la compréhension. Pourquoi? Parce qu'il nous dit ici que le Coran va intercéder pour les siens. Qui sont les siens? Qui sont les adeptes du Coran? Ceux qui le mettaient en pratique. Et donc, comment peux-tu le mettre en pratique si tu ne le comprends pas? Et donc, ce qui est voulu par la récitation du Coran, lorsque le prophète nous dit « réciter le Coran », c'est un ordre. C'est obligatoire qu'on lise le Coran. Si tu ne lis pas le Coran, comment est-ce que tu veux comprendre le livre d'Allah? Et donc, ce qui est voulu par cette lecture, c'est le fait que tu médites. « Efela yatadabbaruna al-Qur'an » Ne médite-t-il pas sur le Coran? Il nous dit « Allah tabaraka wa ta'ala » Et ensuite, l'auteur, il continue, donc le dernier paragraphe de la page 3. Et d'après Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agré, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Celui qui lit une lettre du livre d'Allah en sera rétribué. » Celui qui lit une lettre du livre d'Allah en sera rétribué. Ici, on parle en arabe. Ce n'est pas la traduction. « Celui qui lit une lettre du livre d'Allah » en sera rétribué. Or, la récompense est multipliée par 10. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre. Lam en est une et Mim en est une autre. Rapporté par Tirmidhi qu'il a jugé correct et authentique. Et donc, il y a une grande récompense, barakallahu fikoum, dans la récitation du Coran. Il est important qu'on fasse des efforts pour faire partie de ceux qui bénéficient de cette récompense. La récompense multipliée à chaque lettre que tu vas réciter. Et encore une fois, ici dans ce passage, l'importance de faire attention à notre temps. L'importance de faire attention à notre temps. Barakallahu fikoum. Et on va arrêter là pour ce premier cours. Bi'idnillahi ta'ala. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا